الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue inshallah ta'ala avec l'explication du verset 12 concernant sourate Luqman, Al-Hakim, le sage. قال جل وعلا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله عز وجل il dit dans le Coran al-Karim concernant Luqman al-Hakim, avec une traduction approximative, nous avons effectivement donné à Luqman, qui n'était pas un prophète comme on l'avait rappelé, et on avait dit qu'il y avait unanimité des savants, si ce n'est Ikrima, qui avait considéré Luqman comme un prophète. Et on a certes effectivement donné à Luqman al-Hikma, la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Ceci on l'a expliqué la semaine dernière. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit, quant à celui qui est ingrat, ici Allah parle de lui et il dit, en vérité Allah se dispense de tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lui. Et il est digne de louange Allah Azza wa Jal. Ensuite, on avait débuté l'explication du verset 13, où Allah Azza wa Jal dit, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, يَا بُنَيْ, ô mon fils, لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, ne donne pas d'associer à Allah Azza wa Jal, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Car l'association à Allah Azza wa Jal est vraiment une injustice énorme. On avait rappelé ici des règles concernant fiqh al-da'wa. C'est ce qu'on avait cité et ce qu'on avait rappelé la semaine dernière. Donc le comportement à adopter quand on prêche, que ça soit notre épouse, que ça soit nos enfants, et eux bien sûr sont prioritaires, d'après la parole d'Allah Azza wa Jal, quand il dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. Donc ils sont prioritaires. Comment exhorter notre épouse? Comment exhorter nos enfants? Comment exhorter nos parents, nos oncles, et ainsi de suite? Et on avait dit aussi, ça concernait, ces règles étaient adoptées de façon générale, que ce soit avec la famille ou les gens qui ne faisaient pas partie de notre famille. Et on avait rappelé certaines règles. Et parmi ces règles, et on s'était arrêté avec cette règle, c'était al-lin, al-rifq, la douceur, l'indulgence, la gentillesse, et aller étape par étape. Et quand on parle à une personne, comme nous nazzilun nas manazilahum, on se met ici au niveau ici de compréhension, d'accord, qu'ont les gens qui sont en face de nous. D'accord, une personne qui est nouvelle dans la religion, on ne va pas lui parler comme s'il avait 10 ans de religion. Ceci est connu, ceci a été expliqué plusieurs fois à travers ici, non seulement ces cours concernant at-tafsir al-Qur'an al-Karim, mais aussi concernant les cours de jurisprudence, walillahi alhamd. On avait dit que quelquefois il fallait être concernant les enfants, concernant l'épouse ou bien l'épouse envers le mari aussi, concernant le frère envers son frère, d'accord, al-akhma'a akhih, ou bien ici la sœur, al-ukht, ici avec sa sœur. De façon générale, le comportement doit être doux. On doit ici reconnaître la personne ou alors identifier la personne comme étant une personne douce, une personne indulgente, une personne sage, gentille. Walakin, il y a des moments où l'homme comme la femme doit monter de ton, d'accord, et doit être un peu plus sévère. Mais ça concerne des exceptions. Ça concerne des exceptions. Et on avait rappelé les deux hadiths qui prouvaient cela. Le premier hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda, que ta mère te perde. Ah, parole dure, na'am, comme l'a dit Sheikh al-Albani. Mais dans un autre hadith, il parle toujours de la même personne, Mu'ad ibn Jabal, et il dit quoi? Ya Mu'ad, je t'aime. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à Mu'ad, je t'aime. Première parole, parole dure. Deuxième parole, parole pas douce, mais plus que douce, et venant de la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Muhammad alayhi salatu wassalam. Ensuite, il lui a donné un cadeau, et qui est un cadeau pour Mu'ad et pour l'ensemble de la communauté jusqu'au jour dernier. Et il lui a dit, je vais t'informer ou t'informer de certaines paroles. Et réciter ou dis-les après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et il lui dit, dis ces paroles après chaque prière. Et c'est des paroles qu'on se doit, nous musulmans et musulmanes, de répéter après chaque prière, car ceci est un cadeau qu'a donné le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avant tout à Mu'ad radiyallahu anhu arda et à l'ensemble de la communauté. Il lui dit, répète, Allahumma a'inni, Allah aide-moi, a'inni ala dhikrika, wa shukrika wa husni ibadatik. D'accord? Concernant ton rappel pour me rappeler de toi. Il demande ou tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faciliter l'évocation. De te faciliter le fait d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter, de t'aider dans les actes d'adoration, comme on avait cité cela la semaine dernière. Et ceci est général. Ceci est général, les règles qu'on est en train de citer. Ça concerne ton comportement avec ton épouse, l'épouse envers son mari, les enfants envers leurs parents, les parents envers leurs enfants, le frère envers le frère, la sœur envers la sœur. Et ici, parmi les règles attirées, ou alors les bénéfices attirés de ce verset coranique, c'est ce qu'il a dit Luqman à son fils. Ici, il a donné plusieurs recommandations. Mais la première des recommandations, on va voir toutes les recommandations que Luqman a données à son fils, Al-Hakim. Et parmi ces recommandations, bien plus que cela, la première recommandation qu'il lui a donnée, il lui a dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Il lui a interdit une chose et il lui a expliqué pourquoi il ne doit pas faire cette chose ou commettre cette erreur. Il lui dit, « Ya Bunay, la tushrik billah !» Il a commencé par ce qu'on appelle « At-Tawhid », l'unicité d'Allah Azza wa Jal. N'associe rien à Allah Azza wa Jal, ni personne à Allah Azza wa Jal. Et il lui dit la raison, « Inna shirk », l'association, « Inna shirk ala zulmun azim », c'est la plus grande des injustices, la plus énorme des injustices, « Ash-shirk ». C'est pour ça que ça, c'est une preuve parmi les preuves que les savants et les gens de science utilisent pour dire que le prédicateur, que le prêcheur, que celui qui est au sein de sa famille responsable, c'est-à-dire Al-Ab, le père, Al-Zawj, le mari, doit commencer par exhorter sa famille, comme le prêcheur doit commencer à exhorter les gens qui sont autour de lui, ainsi que la communauté de façon générale, ainsi que toi, ya Abdallah, et toi, ma sœur, quand tu commences ta da'wa, ton prêche, tu dois toujours commencer par At-Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Car ici, Allah dit dans le Coran Al-Karim, comme vous le savez tous et toutes, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Ah, il ne pardonne pas. Pour celui qui meurt dans cet état, c'est pas celui qui l'a fait et qui se repentit. مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit ni qui que ce soit. Il pardonne pas. وَلَكِنَ اللَّهِ il dit, à part cela, il pardonne à qui il veut. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Mais à part ça, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, الزِّنَا, tu meurs en ayant fait la fornication, Allah Azza wa Jal te rappelle que c'est possible qu'Allah te pardonne. D'accord, c'est possible. Bien que ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Quelqu'un qui vole, qui ment, quelqu'un qui fait n'importe quel grand péché. Walakin Allah Azza wa Jal te rappelle que celui qui meurt, alors qu'il associe quoi que ce soit ou qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne lui pardonnera pas. Ça veut dire, فَهُوَ فِي النَّارِ خالدين فيها أبدا. Allah Azza wa Jal, il te rappelle qu'il est en enfer éternellement, wal'ayadhu billah. Et c'est pour ça que l'oncle du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui a aidé le prophète, qui a soutenu le prophète, dont le prophète alayhi salatu wa salam a eu ici ses sentiments de tendresse naturelle envers lui, quand il est mort, ou il était plutôt dans son lit de mort, le prophète alayhi salatu wa salam, il disait à son oncle, il disait, قول لا إله إلا الله, dis لا إله إلا الله. Pourtant, il a protégé le prophète. Il a aidé le prophète. Il a soutenu le prophète. Mais il n'a pas embrassé l'islam. Il croyait en Allah. Na'am, il croyait en Allah. Mais il donnait des associés en Allah Azza, à Allah Azza wa Jal. Et quand il est mort, le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué pour lui. Et l'invocation des prophètes est acceptée. L'invocation des messagers est acceptée. Que dire de l'invocation du prophète alayhi salatu wa salam? Est-ce que son invocation a permis, a été une cause que son oncle, ici, soit au paradis, et qu'Allah Azza wa Jal lui a pardonné? Abadan. Walakin, Allah a informé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam que son oncle, qui est Abu Talib, il aura le châtiment le plus bas ou le plus léger en enfer. Walakin, éternellement. Subhanallah. La preuve, ici, ayu al-ikhwat wal-akhawat, que la chose la plus grave que peut connaître, ou commettre plutôt, ici l'être humain sur la surface de la terre, la plus grande des injustices, comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran al-Karim, inna shirka la zulmun azim, ce n'est autre que quoi? Ash-shirku billahi Azza wa Jal. Éternellement, son oncle sera en enfer, dans une version rapportée par al-Bukhari, c'est des versions authentiques, dans une des versions authentiques, le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'il marchera éternellement, ici sur des braises de feu. Tellement tellement que ces braises seront d'une chaleur intense, son cerveau ne cessera de bouillir, wal'iyadhu billah, éternellement. Alors que le prophète a invoqué pour lui, alors qu'il a aidé et soutenu la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, parce qu'il pardonne à qui il veut. Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim fi as-sahihayn. Min hadith Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda, le prophète alayhi salam a dit: Man mata yushriku billahi shay'a dakhala an-nar. Celui qui meurt et il associe quoi que ce soit, qui que ce soit Allah Azza wa Jalla, il rentre où? En enfer. Wa man mata la yushriku billah. Et celui qui meurt et qui n'associe rien à Allah Azza wa Jalla, dakhala al-jannah. Il rentre au paradis. Il rentre au paradis. Une personne qui meurt et qui n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas tombé dans ce qu'on appelle shirkun akbar. Parce qu'on va parler des différents types d'associations. La grande association, même s'il a fait des péchés, même des grands péchés, bi'idnillahi jalla jalaluhu, un jour ou un autre, il rentrera au paradis. Un jour ou un autre, il rentrera au paradis. Wa hada min rahmatillahi azza wa jal. Ça fait partie ici, ceci est une preuve de l'immensité de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Plutôt de la grande miséricorde qu'Allah Azza wa Jal a pour ses serviteurs. Et bien sûr, comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, Allah Azza wa Jal l'a écrit dans un livre qui est auprès de lui où? Indahu fawqa al-arsh, au-dessus du trône. Ma miséricorde dépasse ma colère. Ma miséricorde dépasse ma colère. Walakin, celui qui meurt en associant quoi que ce soit ou qui que ce soit, Allah Azza wa Jalla, est tombé dans la grande association, il rentrera en enfer éternellement, wal'iyadhu billah. C'est pour ça que Luqman a commencé par cette première recommandation. Cette éducation envers son enfant est un exemple pour les parents avant tout. Et ceci concerne aussi ce qu'on est en train de citer là, même les prédicateurs, les prêcheurs, et ici les musulmans et musulmanes, à partir du moment où ils transmettent cette religion à des ignorants comme à des gens plus avancés. Il faut toujours rappeler l'importance de tawhid. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda vers un peuple qui était un peuple de Ahlul Kitab, qu'est-ce qu'il leur a dit? La première des choses à quoi tu les invites, c'est quoi? At-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il a déjà rappelé c'est quoi leur état. Tu vas rencontrer des gens de Ahlul Kitab. Ah, parce que c'est important de connaître le niveau des gens qui sont en face de toi et yani, avant de pouvoir les appeler, les inviter vers l'islam. Il faut que tu connaisses leur niveau. Qui sont ces personnes-là? Leur comportement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, etc. Il lui a dit, tu vas rencontrer des gens qui font partie de Ahlul Kitab. La première des choses à quoi tu les invites, c'est quoi? At-tawhid, l'unicité. D'adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. S'ils se plient à ce commandement, cette recommandation, invite-les à As-salah, la prière. Ah, As-salah, la prière. Pourquoi on commence pas par la prière? Pourquoi? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. Et il s'adresse à qui? Au prophète Muhammad alayhi afdalu salat wa askat taslim. Il s'adresse à qui? À Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il s'adresse à qui? À Nuh alayhi salam. Il s'adresse à qui? À Isa alayhi salam. Au meilleur des créatures sur la surface de la terre. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Il a été révélé à toi, ainsi que ceux qui t'ont précédé, parmi les prophètes et les envoyés. Regardez, Allah Azza wa Jalla, il parle au prophète, alayhi salatu wassalam. La preuve que quoi? Même si un prophète avait associé quoi que ce soit ou qui que ce soit à Allah Azza wa Jalla, ses œuvres seraient devenues vaines. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Il a été révélé à toi et ainsi à ceux qui t'ont précédé. Si tu associes quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, la yahbatanna amaluk, tes œuvres deviendront vaines. Wa la takunanna min al-khasirin, et tu serais certes parmi les perdants, wal iyadhu billah, fi dunya wal akhira, ici-bas et dans le delà. Donc ça concerne les prophètes et les envoyés. Que dire de moi et toi, ya Abdallah, et de l'ensemble des gens qui ne font ni partie des prophètes, ni des envoyés, et ni des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Allah Azza wa Jalla a dit, et il rappelle que s'ils avaient associé quoi que ce soit, leurs œuvres seraient devenues vaines. Donc à quoi bon commencer à appeler les gens à faire la prière, d'accord? Alors, c'est-à-dire ces gens qui faisaient partie de Ahlul Kitab, alors qu'ils font une chose qui annule leurs actions. Donc s'ils priaient tout en associant quoi que ce soit et qui que ce soit à Allah Azza wa Jalla, leur prière ne servirait à rien. Donc c'est pour ça, nous disons en général, ibda bit tawhid ya Abdallah. et commence toujours par le tawhid, ici l'unicité. Et quand la personne a bien ancré le tawhid, ou même en parallèle, ça dépend de l'investissement ou du degré d'investissement des gens qui sont en face de toi. Si tu parles à une personne qui se dit musulman, qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a des bases dans le tawhid, bien sûr, appelle-lui ou appelle cette personne à tawhid, mais nous disons, en parallèle, apprends-lui à faire la prière aussi. Mais si tu parles à une personne qui ne se dit pas musulman, est-ce que tu vas lui dire, regarde comment on fait la prière, ou alors tu vas commencer par at-tawhid? At-tawhid, khlas. Ici, ça va lui avancer à quoi? Que tu lui dises, voilà, mets tes mains, ta main droite sur ta main gauche, sur ta poitrine, où il y a la divergence dans ça. Non, il dit déjà, lui, moi, je ne crois pas en Dieu. Ou bien, je crois en Dieu, mais je crois aussi en ma statue qui s'appelle telle ou telle, ou je ne sais quoi encore. Donc nous disons ici, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Si une personne se dit musulman, elle est déjà investie, commence par tawhid et en parallèle, apprends-lui bien sûr la prière. Car le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith alladhi sahahahu al-albani rahimahullahu ta'ala, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar wal-ayyadu billah. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il montre l'importance de la prière et la gravité de laisser la prière, et il dit, le pacte qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la prière, celui qui la délaisse tombe dans la mécréance. Et les savants, ils ont divergé, comme vous savez, est-ce que c'est une mécréance qui te fait sortir de l'islam ou pas? Al-Jumhur, ils disent que c'est une petite mécréance, mais ça reste une mécréance, wal-iyadu billah, c'est grave. Mais tu ne sors pas de l'islam si tu reconnais le caractère obligatoire de la prière, et si, ici, la personne, yani, la laisse par fainéantise ou par paresse ou manque de iman, etc. Et surtout, s'il a déjà prié ou il prie quelquefois, il délaisse la prière quelquefois. Mais beaucoup de savants disent que non, qu'il la délaisse par paresse ou pas, faqad kafar kama qala alayhi salatu wa sallam, il a mécru, c'est de la grande mécréance, il sort de l'islam. Et parmi eux, parmi les contemporains, un grand nombre de savants, al-Shaykhan, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala, wa ghayruhuma min ahli al-ilm, disent qu'il est sorti de l'islam. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de le marier avec une musulmane. Tu n'as pas le droit d'hériter de lui. Parce qu'un kafir, ici, on peut pas hériter d'un non-musulman, et un non-musulman peut pas hériter d'un musulman. Comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et si tu n'as pas le droit de le laver, tu n'as pas le droit de le laver. Tu n'as pas le droit de lui mettre le linceul. Tu n'as pas le droit de l'enterrer avec les musulmans. Tu le jettes même dans une fosse commune. Pour beaucoup de gens de science. Donc quand la personne entend ça, est-ce que billahi alaykoum, s'il a un minimum de crainte d'Allah azza wa jal, est-ce qu'il va pas se dire que je crains Allah et que je commence ma prière, au moins la prière et Abdallah ce bagage, tu meurs, alhamdulillah. Au moins, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il était musulman. Amma s'il meurt, il faisait pas la prière, il y a des doutes, il y a de gros doutes. Est-ce qu'il était toujours dans l'islam ou pas? Bien que Al-Jumhur, parmi les gens de science, disent qu'il est quand même musulman, mais tombé dans un grave péché qui fait partie des plus grands péchés, et qu'il est quand même tombé dans une mécréance, wal-iyadu billah. As-salah, la recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam, même quand il était dans son lit de mort. Il recommandait, il disait, accrochez-vous à la prière. De ne pas laisser la prière, de ne pas négliger la prière. C'est pour ça que nous disons, on commence par at-tawhid et on fait suivre cette recommandation ici par as-salah, par la prière, comme l'a fait Luqman avec son fils. Mais de quelle manière? Ya bunay, la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. Et à chaque fois dans les recommandations, il répète, ya bunay. Ouais, il pas dit, je vais t'en mettre une ou là. Pourquoi? Non, avec sagesse, tout le temps. Chaque recommandation, même quand il voulait ici attirer son attention, c'est grave. Il n'a pas frappé, il n'a pas crié, tout de suite. Ya bunay, avec des paroles douces. Oh mon fils, regardez, oh mon fils, des paroles de tendresse. Et ça nous rappelle, comme on l'avait cité, même quand, de façon générale, une personne veut appeler quelqu'un à l'islam, qu'il ne soit pas musulman, qu'il soit musulman, ou bien une personne qui veut faire ou donner un conseil à un frère ou à une sœur, à chaque fois que tu veux donner un conseil, ou si tu veux donner plusieurs conseils, avant de donner toujours un conseil ou un nouveau conseil, mets ce qu'on appelle de la pommade, si tu veux, entre guillemets. Donne un peu de compliment. Ya bunay, oh mon frère, masha'Allah, rak, masha'Allah, tu t'accroches dans le din et tout, mais attention, t'as ce défaut là. Tu veux redire un autre conseil, ou rappeler une erreur que fait ton frère ou ta sœur, redis-lui et recite-lui des qualités qu'il a. Masha'Allah, par contre, barakallah, tu fais du bien, et là, je me rappelle la dernière fois, tu as appelé la personne à l'islam, alhamdoulilah qu'Allah accepte, mais attention. Regardez, akhi, tu viens jamais à Salat al-Fajr. Tu te lèves jamais à Salat al-Fajr. Ou bien quelqu'un qui est connu pour mentir. Ya akhi, t'as plein de qualités. Tu fais de da'wah, tu fais du bien, les gens t'aiment, mais tu mens trop. Ya akhi, c'est un conseil en Allah. À partir du moment où tu as respecté, ici, ces règles, et parmi les règles les plus importantes, et tu lui as mis de la pommade, entre guillemets, tu lui as cité des qualités, et tu lui as parlé avec sagesse, et la nasiha est fondée sur le Coran et la sunna bi fahmi salafil umma, et tu as fait ce conseil, et donné ce conseil avec une intention sincère, c'est pas pour lui faire mal, voilà qu'une intention sincère, et s'il ne l'accepte pas, qala jalla wa ala wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Allah dit dans le Coran al-Karim, il parle de ces personnes-là, quand il rencontre un ignorant, il dit salam. Il veut pas accepter, khalas, t'as tiré ta responsabilité. Il n'a pas voulu accepter le conseil, le prophète a rappelé et il dit, il n'y a pas de bien dans un peuple qui ne donne pas des conseils, et il n'y a pas de bien dans un peuple qui n'accepte pas les conseils. Et c'est avec les conseils qu'on avance. C'est avec le conseil qu'on avance du mal vers le bien, et si on est déjà dans le bien, min al-hasan ila al-ahsan, du bien vers le meilleur. Ad-din un-nasiha, le prophète l'a dit trois fois, la religion et le conseil, la religion et le conseil, la religion et le conseil. Et le conseil. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, cet homme, ce croyant, qui quand on parlait de lui, on savait et on sait que c'était un homme fort. C'était un homme dur pour la vérité, la preuve. Il y a des gens maintenant au jour d'aujourd'hui, quand ils voient des personnes agir quelquefois avec dureté, mais quand il faut, ils disent celui-là exagère. Mais cette même personne, quand tu lui dis « Ittaqillah », il s'enfle d'orgueil. Il n'a rien compris, mskin. Il mélange tout, le harira si tu veux, la soupe. Alors que Omar ibn al-Khattab, certes il était dur, mais pour la vérité, la preuve c'était pour la vérité, une personne est venue le voir, alors qu'il était Amir al-Mu'minin. Ah, Amir al-Mu'minin, c'était lui le gouverneur des musulmans. Il lui a dit « Ittaqillah », crains Allah. Si c'était une personne qui était dure dans le mal ou dans l'égarement, comment il aurait réagi? Il aurait pris son épée, il aurait coupé la tête. Moi, Amir al-Mu'minin, tu me dis « Ittaqillah ». Qu'est-ce qu'il a dit? Tout de suite. Ah, inna sabra inda sadmati al-ula, comme قال عليه الصلاة والسلام, c'est la patience, c'est dans le premier instant. Les savants, ils ont dit, quand tu vois une personne réagir, regarde les premiers instants comment elle a réagi. C'est pas 5 heures après, 10 heures, 2 jours, 3 jours. Vous connaissez le hadith, comme on répète souvent, où la femme était dans un cimetière et elle était en train de pleurer, se lamenter. Le prophète est passé devant elle et lui a dit, espérez wa taqillah, patiente et crains Allah. Elle lui a dit, elle savait pas que c'était le prophète. Oh, toi tu sais pas ce que je ressens et ce que je vis. Le prophète, il est parti. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salam. Khalas, ça sert à rien de parler avec des gens têtus. Il est parti. Quand elle a su que c'était le prophète, elle est partie en courant chez lui. Elle a frappé, elle a demandé l'autorisation de rentrer. Quand ils l'ont dit rentre, elle a dit à Rasulullah. Elle a dit, moi, je m'excuse, je savais pas que tu étais le messager d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? La patience, c'est au premier moment. Au moment du choc. C'est pas 10 heures, 5 heures, 2 jours, 3 jours après. Donc la preuve qu'on regarde la première réaction de la personne. Voilà qu'un insan, il est faible. Ça veut pas dire que si, ici, tu ne réagis pas au quart de tour comme il se doit, ça y est, tu es un égaré. Non. Mais ici, c'est une preuve. Ou plutôt, ça te permet de voir où tu en es par rapport à ton investissement religieux. Ta foi, ta confiance en Allah, ta certitude, ta crainte d'Allah Azza wa Jal, ta piété, etc. Et corrige-toi pour la prochaine fois. Ici, قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيف. L'être humain, il a été créé faible. On est tous faibles. On est tous faibles. Et le prophète a dit, كل بني آدم خطاء. Tous les enfants d'Adam font des erreurs. Et Allah dit dans le Coran, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Allah Azza wa Jal rappelle ici. Il dit dans le Coran al-Karim, Rabbana, une invocation que les croyants doivent dire, Rabbana la tu'akhidna, inna sina ou akhta'na, ne nous châtie pas ou ne nous prend pas, si on oublie ou si on s'est trompé. Naam. Donc ici, on disait concernant Luqman. Ici, Luqman, il a exhorté son fils avec sagesse, plusieurs fois, avec douceur. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, il avait reçu des paroles alors qu'il était connu pour quelquefois sa dureté. Mais la preuve que c'était de la dureté qui était fondée sur le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma, comme je disais tout à l'heure, quand tu lui as dit taqillah, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne cesserez d'être dans le bien tant que quoi? Tant que vous dites cette parole. Et vous ne cesserez d'être dans le bien tant que vous la dites et tant que vous l'acceptez. Regardez, il a dit tout de suite, khalas, non seulement je la prends, ou à laquelle je vous recommande et vous devez continuer à la dire et à l'accepter cette parole, ittaqillah. Par crainte de ne pas être parmi les personnes qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran al-Karim quand il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. Et quand tu lui dis crains Allah Azza wa Jalla, ici l'orgueil s'empare de lui, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, l'orgueil s'empare de lui, فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ, l'enfer lui suffit, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, et quel mauvais lit, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim. Donc nous disons le caractère de base, c'est la douceur, avec les gens ou avec les enfants ou avec l'épouse ou l'épouse envers le mari, c'est comme ça qu'était le prophète. Mais il y a des exceptions où il faut monter un peu le ton. C'est connu ici, ceci, par tous et toutes, pour ceux qui réfléchissent un peu. Est-ce qu'on connaît tous le proverbe qui aime bien châtie bien? Naam. Qui pourra dire je n'aime pas mes enfants? Personne ne pourra le dire. Qui n'a jamais secoué un peu son enfant ou haussé le ton sur son enfant? Allez, qui ici? Qui lève sa main? Qui a jamais haussé le ton sur son enfant? Ça n'existe pas. Ah, on va dire donc tu es dur alors. Ah, t'as un mauvais comportement. Pourtant, la personne, elle va dire Wallahi, j'aime mes enfants. Je vais pas dire plus que tout, bien que ça existe, mais normalement on doit aimer avant tout Allah et après Muhammad alayhi salatu wassalam. Naam. Walakin il va dire ici, après Allah et le prophète s'il est sincère, après Allah azza wa jalla le prophète, si je suis sincère, on est sincère. Ici, j'aime ici mes enfants comme mes parents, mais c'est parmi les êtres qui me sont le plus cher. Mais pourtant, tu hausses le ton. Ça ne veut pas dire que si tu hausses le ton envers une personne, d'accord, que automatiquement tu ne l'aimes pas. Bien au contraire. Celui qui est sincère quand il hausse le ton et quand il est dur, c'est une preuve, ya Abdallah, si tu as bien compris cette religion-là, s'il parle avec le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al-umma, non seulement qu'il veut ton bien, mais qu'il t'aime vraiment en Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit de façon générale, écoute celui qui te fait mal, quand c'est la vérité, plutôt que celui qui t'envoie des roses et des roses et des roses de jour comme de nuit, comme si tu étais un ange. Alors que ici, le prophète, il dit, tout enfant d'Adam fait des erreurs, ce n'est pas possible. Et ça, comme on avait dit, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, plus d'un savant avant lui, le prix de l'amour en Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est le conseil. Et il a pris la preuve du verset coranique où Allah Azza wa Jal dit, wal asr, comme je l'ai cité la semaine dernière, par le temps, innal insana lafi khusr, l'être humain court certes à sa perte, illa alladhina amanu, sauf qui? Sauf ceux qui croient, illa alladhina amanu, amilun saliha, qu'ils œuvrent ou qu'ils accomplissent des œuvres salutaires. L'œuvre salutaire, c'est laquelle? Celle qui réunit deux conditions. Souvent, on entend dans le Coran al-Karim, al-amalu salih. C'est quoi l'amalu salih? Celui qui est accompli avec sincérité. Bi-ikhlas. Al-amal alladhi kana khalisan lillahi azza wa jal. D'accord? Ici, il a été voué exclusivement pour Allah azza wa jal. Et qui est conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Ça, c'est l'action ou l'œuvre salutaire. Illa alladhina amanu wa amilu saliha. Ici, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Ah. Et ceux qui s'enjoignent mutuellement à la vérité et à la patience. Ça, c'est quoi? C'est de l'entraide. D'accord? Et le conseil, ici, c'est une preuve de l'entraide. Et ça, Cheikh Al-Albani dit, c'est le prix de l'amour en Allah, Azza wa Jal. Ton frère, s'il t'aime en Allah, il doit te conseiller. Et toi, si tu aimes ton frère et ta sœur en Allah, tu dois le conseiller. Le frère est le miroir de son frère. La sœur est le miroir de sa sœur. Mais il ne faut pas que ça soit un jeu. Il ne faut pas que ça soit un jeu. Comme certaines personnes l'ont fait et le font, illa man rahim Allah. Que ça soit dans les familles ou en dehors des familles. À titre d'exemple. Et on entend souvent ça, et moi comme je dis souvent, ici j'ai le téléphone, souvent des appels et des appels et des appels qu'on a, 80% des appels c'est les problèmes de couple. Et en général maintenant dans les couples c'est devenu, et ça on le voit maintenant, même en dehors des couples, chez les frères et les sœurs. C'est devenu une sorte de bataille, wal'iyadu billah. Et on joue avec la religion. Par exemple, le frère il va aller chercher tous les hadiths sur la femme. Khalas, la femme elle est comme ça, elle doit se taire, elle doit obéir, elle doit, khalas, il fait un résumé. Pourtant en dehors de ça il fait jamais de recherche. La femme, pareil. Jamais elle fait de recherche dans l'islam, mais pour ça, ça l'arrange. Le prophète, alayhi salam, quand il était chez lui, rapporté par le Bukhari, il cousait ses vêtements, il réparait ses sandales, etc. Il aidait ses femmes, khlas. Et après, ils viennent, c'est la bataille. Premier round. Khlas, le prophète, il était comme ça. Et la femme, le prophète, il était comme ça. Et ça commence. Et les femmes du prophète, ils étaient comme ça. Wal'iyadhu billah. Jamais tu seras comme le prophète. Jamais ton mari sera comme le prophète. Et jamais toi, ma sœur, tu seras comme Aïcha. Et jamais toi, mon frère, ta femme sera comme Aïcha. C'est la première des choses à savoir. Donc ici, dire Aïcha était comme ça, en espérant et croire que ta femme sera comme Aïcha, non, faut pas rêver. Et toi, dire le prophète, alayhi salatu wassalam, il était comme ça, donc moi je veux que tu sois comme le prophète, on dit encore plus, tu t'es encore plus trompé. Pourquoi? Car le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est non seulement parmi les meilleurs des créatures sur la surface de la terre, mais c'est... C'est qui le prophète? C'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que Allah a envoyé des anges pour lui ouvrir la poitrine et pour laver son cœur, na'am, avec l'eau de zamzam, oui ou non? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, n'importe quel homme sur la surface de la terre ne pourra jamais réagir comme le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Allah l'a élu, Allah l'a choisi, et le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu des choses que personne en dehors de lui n'a vu. Il a été choisi, c'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Tu crois qu'il va en avoir deux des meilleures créatures? Ton mari va être comme... Non. Donc déjà, c'est la première des choses à savoir. Ton épouse a des défauts et ton mari a des défauts. Donc ici, si le mari et la femme ont compris ça, c'est-à-dire le mari se dit, dans tous les cas, ma femme aura des défauts. Donc ici, je suis compréhensible par rapport à ça, je ne cherche pas la perfection. Et la femme se dit pareil, mon mari aura obligatoirement des défauts, je ne cherche pas la perfection, et ici, alhamdoulilah, je me contente de ce bienfait que j'ai entre les mains. Alhamdoulilah, déjà, ils vont redescendre plus d'un cran, de plus d'un cran. Donc déjà, alhamdoulilah, la conversation, elle peut s'installer. Amma venir avec des hadiths, le prophète était comme ça et Aïcha était comme ça, en espérant que ton mari soit le prophète et que ta femme soit Aïcha. Ici, je te dis à Abdallah et je te dis à Ukhti al-Karima, faut pas rêver. Et remettez les pieds sur terre et ce n'est pas un jeu. Partons et sortons du couple. Des frères entre eux maintenant quelquefois. Ya akhi al-habib. Bon déjà, je parle pas parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ici utiliser al-hikma quand ils donnent des conseils. Walakin. Mais, même si ton frère il n'utilise pas de sagesse et des bonnes paroles pour te conseiller normalement à la base, est-ce que c'est une excuse pour toi que de refuser le conseil si c'est une vérité? Ce n'est pas une excuse. Ou alors que le frère, il s'est pris mal et on lui dit va réviser ta religion. Ou alors tais-toi parce que sinon tu vas peut-être faire plus de dégâts qu'autre chose. Ou alors que ici ce n'est pas une excuse. Ici c'est une vérité, tu dois l'accepter. C'est pour ça comme je vous dis souvent, Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu wa arda wa rahimahullah ta'ala, ce grand ascète, qu'est-ce qu'il disait? At-tawadu', la modestie, c'est quoi? C'est le fait d'accepter les conseils de la personne qui te donne. Que ça soit n'importe qui. Même un non-musulman qui te conseille, c'est une vérité, prends le conseil à Abdallah. Normalement, tu dois lui dire barakallahu fik. Bon, pas si c'est un non-musulman, mais tu dois le remercier. Subhanallah, il te donne un conseil pour te corriger, pour te permettre de t'améliorer et t'éviter d'aller en enfer et tu le prends mal. Regardez la mauvaise compréhension qu'on a de la religion. Illa man rahim Allah. Normalement, tu lui dis barakallahu fik. Même si il a une mauvaise intention et autre, c'est qui toi pour aller voir son intention, si elle est bonne ou pas? Prends le conseil, d'accord? Walakin, maintenant on parle à celui qui conseille. À toi d'apprendre ta religion. Quand tu conseilles, c'est avec sagesse. C'est avec douceur. C'est en complimentant le frère avant tout. Je ne dis pas de complimenter énormément, parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a interdit. Ici, il a déconseillé fortement plutôt de conseiller, ou plutôt de glorifier trop la personne. Jusqu'à ce que dans une version authentique, il a dit, si quelqu'un vous glorifie trop, qu'est-ce que vous faites? Prenez de la terre ou du sable et jetez-les dans les yeux. D'accord? Pourquoi? Parce que ça pousse la personne à s'en faire trop d'orgueil, wal'iyadu billah, si tu flattes trop la personne. D'accord? Walakin, ici, nous disons, la personne doit conseiller son frère avec douceur et sagesse et avec une bonne intention. C'est pas parce que lui t'a donné un conseil avant et tu dis, ah, je l'ai pris mal, moi je vais lui donner un conseil. Ya akhi, il vient te voir. Je te vois jamais à Salat al-Fajr. Wallahi, t'es masha'Allah. Walakin, fais des efforts pour faire Salat al-Fajr. Si tu ne travailles pas à cette heure-ci, si tu peux venir à la mosquée, essaie de faire un effort. Ouais, d'accord, barakallahu fik. Il a pris mal. Et toute la journée, il cherche. Qu'est-ce qu'il a comme défaut, Hadek? Et il arrive. Ah, mon frère, t'as vu où tu t'es garé tout à l'heure? Ça, c'est un comportement d'un musulman? Et ça rentre dans un jeu. Chauffe. L'intention, peut-être, au début, elle était bonne. D'accord? Du frère qui t'a conseillé. Mais comme toi, tu n'as pas éduqué ton œuf, si tu n'as pas de science pour comprendre que c'est un bien, ce n'est pas un mal. Et que Shaitan, il a embelli, ici, les mauvaises actions, et les bonnes actions, il les a embellies comme il le veut lui. Ici, il t'a rendu ce conseil une chose mal, et tu l'as pris mal, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu veux redonner un autre conseil, mais c'est plus avec une bonne intention. Et c'est un jeu. Ben, toi aussi, t'as ce défaut, et toi, t'as ce défaut, et toi, mais on a tous des défauts. Il t'a conseillé, dit, barakallahu fik, jazakallahu khayra. Qu'Allah azza wa jalla te récompense par le bien. Et toi, corrige-toi, ya Abdallah, et si t'as un conseil à lui faire, fais-lui. Walakin, il ne faut pas que ça soit un jeu et une guerre, que ça soit dans les couples, ou dans les foyers, ou bien en dehors des foyers. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Allah dit, entraidez-vous ici dans le bien et la piété. Et ne vous entraidez pas, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, dans le péché et la transgression. Et Allah Azza wa Jal rappelle qu'il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc ne joue pas avec Allah, en mentant à toi-même et à Allah. Oui, je suis sincère, alors que tu sais qu'en fait t'es pas sincère, c'est pour lui faire mal au frère, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Comment tu veux qu'il y ait le baraka dans ta da'wa et dans ton conseil et que tu sois récompensé? إنما الأعمال بالنية. Ici, l'action ne vaut que par son intention. Voilà qu'une toi, quand on te conseille, ne cherche pas à comprendre s'il est sincère ou pas. C'est une vérité, prends-le. Amma, si c'est un ignorant qui vient et qui te dit, ouais, mon frère, je vais te conseiller. Ah, donc il faut avoir une bonne compréhension. C'est quoi le conseil? Je crois que tu vas trop à la mosquée, frère. C'est pas bon d'aller trop à la mosquée. Ça, tu vas prendre ce conseil ou pas? Allah hada majnoun ou quoi? Il est fou ou quoi? D'accord, si ce n'est la personne du matin au soir, elle dort, elle vit, elle reste toute la journée à la mosquée, elle dort, elle veut pas travailler, elle se laisse mourir, elle... Non, là d'accord. Walakin en général, il dit oui, je te vois, subh al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, la mosquée, oh, c'est exagéré. Subhanallah. Celui-là, on va dire, c'est un musulman, il m'a donné un conseil, je le prends. Non, faut que le conseil soit fondé sur le Coran et la Sunna, bi fahmi salafil umma. et qui ne contredit pas ici ce qu'Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit avec la compréhension des ancêtres pieux. Sinon, tu n'acceptes pas ce conseil. Il y a des gens qui viennent, par exemple, ils te disent, « Ya akhi, Allah, t'as un mauvais comportement, donc change ton comportement. »« Jazakallahu khayran. » Walakin, dis-moi, c'est quoi pour je me corrige. C'est quoi mon mauvais comportement? Bref, t'as un mauvais comportement. Ajib. Bah, dis-moi, c'est quoi le mauvais comportement? Bref, t'as un mauvais comportement. Ça, c'est quoi? C'est un bon conseil, ça, ou pas? Dis-moi, c'est quoi? Là, j'ai un mauvais comportement. Khlas. Je parle mal, j'insulte, je mens, je vole, je... Donc, il faut savoir aussi, quand on conseille comme il se doit et dans les détails. D'accord? Ne dis pas de façon générale. Sois explicite dans ton conseil. Parce que si tu n'es pas explicite, la personne peut-être, elle va corriger une chose qui pensait que c'était un défaut alors que c'était pas un défaut. C'est-à-dire, ah, peut-être que je parle mal aux gens. Alors que ça n'a rien à voir. Plutôt, lui, c'était quoi? C'est qu'il insulte trop. Ou alors, je ne sais pas moi, il fait quelque chose d'autre, mais qui n'a rien à voir. Comment tu veux qu'il se corrige bien? Peut-être il va se corriger où il fallait pas se corriger. Donc, on dit quand tu conseilles, avec une bonne intention, et que c'est un conseil fondé sur le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma, et que ça doit être un conseil explicite. Et quand tu conseilles, il faut attendre le moment, et ça, on en a parlé de l'hikma plusieurs fois, la sagesse. Wad'u shay 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi wa fi al-waqti alladhi yanbaghi, parmi les définitions. D'accord? C'est-à-dire que tu sais quand conseiller, comment conseiller, et de quelle manière conseiller. C'est pas, par exemple, tu vas manger avec, par exemple, à titre d'exemple, des personnes âgées, ils t'ont invité à manger, et tu sais que les 10 personnes qui t'ont inventé, ils font tous des bidères, par exemple. Ils lisent tous le Coran ensemble, par exemple. Ils aiment bien faire tout le temps. Et ils t'ont invité parce qu'ils t'aiment, et par exemple, t'as un prédicateur et autres. Tu rentres, et ils t'ont invité, ils parlent de tout et de rien, tu commences. Ouais, les frères, je voulais vous dire. Par exemple, vous faites trop de bida', vous faites partie de Ahlul Bida', vous lisez le Coran ensemble, tous ensemble. C'était le moment de dire ça, ya Abdallah. C'est pas le moment, tu vas faire une catastrophe. Là, ils t'ont invité. Khlas, tu commences à gagner leur cœur. Comment tu veux transmettre la religion? Si une porte est fermée, comment tu veux faire passer quelque chose d'une pièce à une autre alors que la porte est fermée? Ouvre la porte et après fais rentrer ce que tu veux dans l'autre pièce. Comment tu veux gagner les cœurs ici, ou alors plutôt faire passer ou accepter des paroles à des gens alors que tu n'as pas gagné leur cœur? Gagne leur cœur, après fais passer ici ce que tu veux. Ici, mashallah, ils t'ont invité, alhamdoulilah, parlons bien, gagne leur cœur, petit à petit, étape par étape, ici avec hikma, ou alors tu sais que c'est pas le bon moment, de façon générale, si t'es un prédicateur, tu le diras sans citer les noms, il faut choisir le bon moment, de la bonne manière, ici pour transmettre la religion. On ne dit pas, tu arrêtes pas le munkar, le répréhensible. Walakin, ici, comme on avait dit la règle, idha lam yumkin, ici, izalatul munkar, illa bima huwa ankar falanunkir, ici, il faut attendre. Et se poser la question, est-ce que si je rayer le munkar maintenant, est-ce que ça va apporter un plus grand mal ou pas? Est-ce que c'est le moment ou pas? Comme on l'a expliqué plusieurs fois. Clair? Donc ça fait partie de fiqh al-da'wa aussi. Et ça nous rappelle qu'on commence avec sagesse et douceur. Et c'est des exceptions où on monte le ton. C'est des exceptions comme le prophète l'a fait, sahaba l'a fait. Et ceux qui disent le contraire, c'est des égarés, ils n'ont pas de science. Il faut monter le ton quelquefois. Voilà qu'une de façon générale, c'est la douceur. Comme avec les enfants. De façon générale, c'est la douceur. Même s'il se trompe. Même s'il fait une erreur. La douceur. Mais quelquefois, faut monter de ton. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit, dans le hadith authentique, ordonnez à vos enfants de faire la prière à quel âge? 7 ans. Et frappez-les à quel âge? Ouais, le prophète, il est dur. Oh, des enfants, tu vas les frapper, toi. C'est dur ou pas, ça? Subhanallah. Le prophète, il est dur, alors. En plus, avec des enfants. Que dire si on avait dit, ouais, khlas, faut frapper une personne adulte? S'il se trompe ou il fait un égarement, on aurait, les gens, ils auraient dit à Adam, alors des enfants? Il a dit frapper ou pas? Frappez-les à 10 ans. Ah, donc ici, être dur, ce n'est pas un égarement tout le temps. Voilà qu'on revient dans la bonne compréhension. Frapper. Il y a 2 types de frappe en islam. Il y a le fait de frapper pour faire mal. Et le fait de frapper ici pour éduquer. Et la frappe qui concernait ici, c'est quoi? Ad-darb al-ta'dhib ici, c'est d'éducation. C'est comme les non-musulmans le disent. D'accord, c'est secouer, eux ils disent par exemple la fessée, akramakumullah, ou autre. Ici, c'est-à-dire secouer l'enfant. Et même un non-musulman va vous dire, il faut quelquefois ça. Regardez, même lui, à un moment, ils ont voulu faire une loi. C'était interdire de donner la fessée aux enfants. Vous avez entendu, il y a quelques temps. Les non-musulmans, tout le monde se sont levés. Ils ont dit, mais ceux-là, ils sont fous, il manquerait plus que ça. Maintenant, on peut pas donner une fessée à nos enfants. La preuve que c'est humain, c'est naturel, tout le monde le sait. Quelquefois, ici, l'enfant, il faut le secouer un peu. Mais c'est pas le frapper, lui laisser des marques, ça c'est interdit en islam. Ça n'a jamais été autorisé en islam de frapper un enfant jusqu'à lui laisser des marques, wal'iyadu billah. Voilà qu'il s'est secoué un peu l'enfant. D'accord? Et ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous montre quoi? Qu'à 7 ans, on lui ordonne. Est-ce que c'est obligatoire à l'enfant de prier à 7 ans? C'est-à-dire, s'il meurt à 8 ans, est-ce qu'il va rendre des comptes sur la prière? Est-ce que pour lui, c'est obligatoire de prier à 7 ans? C'est pas obligatoire. Ou alors, est-ce que c'est obligatoire pour les parents de lui ordonner de faire la prière? Voilà, faut avoir une bonne compréhension. Des gens disent, khlas, mouskin, khalli, sebaa snin, tmen snin, il a 8 ans, 9 ans, jusqu'à 10 ans, c'est pas grave. Abadan. Alors le prophète, alayhi salam, il a dit, ordonnez à vos enfants à faire la prière à 7 ans. Donc c'est un ordre. C'est-à-dire, c'est toi qui as le péché si tu leur ordonnes pas. C'est toi qui t'es égaré. Ama lui, c'est pas obligatoire pour lui, jusqu'à 10 ans. Mais à 10 ans, c'est obligatoire pour toi et pour lui. C'est-à-dire, tu dois lui ordonner de faire la prière, mais lui, il est obligatoire pour lui de faire la prière. Vous avez compris comment disent les savants? C'est-à-dire, à 7 ans, t'es obligé de réveiller ton fils à Salat al-Fajr. À Salat al-Dhuhr, il doit faire la prière. Al-Asr, al-Maghrib ou al-Isha. C'est obligé de faire. Si toi, tu as fait, il le fait pas, khlas, ça tirait ta responsabilité. À 10 ans, non seulement c'est obligatoire pour toi de lui ordonner de faire la prière, mais pour lui, c'est obligatoire pour lui de faire la prière. Sinon, un peu de dureté. Sinon, un peu de dureté. Et il y a une sagesse, et ça fait partie de la sagesse du prophète alayhi salam, quelquefois d'être dur. Et quelquefois, les gens disent, non, il faut parler toujours, parce que les gens, vous savez maintenant, alhamdoulilah, la nuzakir Allah ahada, ici, alhamdoulilah, les gens, ils ont compris que le hikma, ce n'est pas comme le comprennent certains non-musulmans en disant, sagesse, c'est quelqu'un de sage, doux, gentil. D'accord? C'est-à-dire, dans tous les cas, abadan. La sagesse, c'est quelquefois le fait de hausser la voix. De devenir rouge. De s'énerver. C'est vrai ou pas? Parmi les preuves, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il faisait le khutbah de Jumu'ah, comment il était? Il devenait rouge. Et il haussait le ton. Le prophète, alayhi salam, il était clair dans ses paroles Jumu'ah. Il parlait pas comme ça. Inna alhamdulillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu. Comme ça, il était le prophète. Jusqu'à ce qu'il devenait rouge. Et le sahaba, il disait, c'est comme s'il nous avertissait, ici, de quoi? De la venue d'une armée. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et est-ce que c'est pareil quand tu exhortes les gens dans une Jumu'ah, par exemple? Ici, en parlant doucement, inna alhamdulillah. Donc, mes frères, craignez Allah. Ou bien celui, mes frères, ittaqullah ya ibadallah, wa'alamu anna Allah shadidul iqab. C'est pareil ou pas? C'est pas pareil. Et ça, c'est de l'éloquence qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Il était doux dans ses paroles, mais quand il fallait monter le ton, il montait le ton. Et ça fait partie de quoi? Min hikmati habibina al-mustafa, alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et ça, il faut avoir la science, il faut avoir les preuves, mais il faut avoir aussi ad-dalil, mais aussi fahmu ad-dalil. La compréhension de la preuve aussi. La compréhension de la religion pour mettre chaque chose à sa place et savoir comment réagir comme il se doit de la manière qu'il se doit et particulièrement envers les enfants car c'est ce qui nous importe particulièrement. Ya bunay, la tushrik billah. Commence avec tes enfants avec at-tawhid. À leur niveau, tu vas pas lui faire des cours de usul al-thalatha par exemple, hein. Ici, alors qu'il a 3 ans. Qu'est-ce qu'il va comprendre, ou il a 2 ans? Donc ici, est-ce que tu peux lui apprendre at-tawhid alors qu'il a 3 ans? Oui ou non? Na'am. Il est où Allah? Il va te montrer. Fissama. Bien sûr, Fissama, c'est comme la femme, elle a dit au prophète, il est où Allah? Fissama. Walakin ici, c'est-à-dire, au-dessus des 7 cieux. D'accord? Allah, il n'est pas deux dans les cieux, mais il est au-dessus des 7 cieux, subhanahu wa ta'ala. Clair? Donc, il est où Allah? Aïn Allah? Tu dis à ton fils, où est Allah? Il te montre du doigt vers le ciel, vers les cieux. Clair? Ça, si tu lui apprends à tawhid. Et nous disons aux parents, si vous ne savez pas comment, ou bien, vous ne voulez pas enseigner at-tawhid, l'unicité à vos enfants, au moins, ne leur apprenez pas l'opposé de tawhid qui est quoi? Al-shirk. Les gens vous disent, adhou billah, moi je vais apprendre mes enfants shirk. Moi je cite des noms de titres ou de séries, de dessins animés ou, hein? Allez, on commence avec shirk. Dans les dessins animés. Allez, bismillah. Allez, qui peut nous citer, hein? Aladdin. Mashallah, shirk. Quoi encore? Qui? Tous ceux qui ont des pouvoirs, masha'Allah, shirk. Dragon Ball Z, compagnie, c'est du shirk. Quoi encore? Ça apprend les enfants shirk. Encore pire, ce qui vient de sortir. Voilà, j'ai oublié, c'est le dessin animé qui fait la magie. Harry Potter. Harry Potter, ça c'est le summum du shirk. Le summum du shirk. Tous ces dessins animés, ils apprennent quoi à nos enfants? Billahi alaykoum. Déjà, les miracles, al-mu'ajizat, ils sont donnés qu'aux prophètes et aux envoyés. D'accord? Isa alayhi salatu wassalam, il a eu le pouvoir de quoi? De guérir le malade, de ressusciter les morts. Est-ce que dans ces dessins animés, tu vois des gens qui ressuscitent les morts? Ah, déjà, ils enseignent aux enfants, khlas. Ça, c'est des choses que n'importe quelle personne peut avoir. Alors qu'au l'iyadhu billah, on n'a pas le droit de croire en ça. Ou bien ils apprennent aux enfants dans certaines séries ou bien dessins animés à aimer ce qu'on appelle ce qui détruit des familles, ce qui détruit des couples, ce qui a détruit des sociétés. Des sociétés, c'est ce qu'on appelle as-sihr, la sorcellerie. Harry Potter et compagnie. C'est de la sorcellerie, wal'iyadhu billah. On parle beaucoup de sorcellerie dans les dessins animés. Vous croyez que c'est fait par hasard ou pas? La chose qu'Allah déteste le plus, c'est quoi? La sorcellerie. Dans la plupart des dessins animés, vous allez voir, et dans des séries, on va parler de quoi? La sorcellerie. Et c'est ce qui attire beaucoup de musulmans et de non-musulmans, surtout au jour d'aujourd'hui. La sorcellerie. Tout ce qui parle du paranormal, les djinns, etc. Ils aiment Aladdin. D'accord? Aladdin, pour eux, c'est un quoi? C'est un djinn. Et la personne, il parle avec un djinn. Un génie. Ils disent un génie. C'est-à-dire? Un djinn. Il communique avec le djinn et le djinn lui apporte Dieu. Du bien ou du mal dans le dessin animé? Du bien. Alors qu'un djinn, il va t'apporter du bien. Wal'iyadhu billah. Si tu parles de façon générale avec un djinn, tu as droit en islam. Al-ulama ibn Taymiyyah dit même, ici, il faut éviter de parler avec les djinns. Tu n'as pas de raison. Quand quelqu'un est possédé, le djinn, il se manifeste. Ou tu sors, ou tu restes, et tu qaras le Coran. C'est tout. T'as pas à rentrer dans la négociation. Pourquoi? Parce que c'est parmi les plus grands des menteurs, comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qui t'a dit d'aller parler avec eux, de communiquer avec eux? Sors, ukhruj. Tu veux pas? Khlas. Iqra al-Qur'an. Alayka bir ruqiyya shar'iyya. Ici, tu utilises la ruqiyya shar'iyya, point. Walakin, ils te font aimer les djinns. Et parler, ou alors offrir des offrandes aux djinns, ou invoquer les djinns, ça fait partie du shirk. Écoute bien. Bi ijma'il ulama shirkun akbar. C'est la grande association. Celui qui le fait, il est en enfer éternellement, wal'iyadhu billah. Et ils font aimer ça à nos enfants. Et nous, on fait aimer ça à shirk à nos enfants. C'est-à-dire, khlas, on allume la télé. Et au lieu d'éduquer nos enfants sur At-Tawhid, comme l'a fait Luqman, et il a commencé par ça, regardez les exhortations. Et quand on médite bien les versets coraniques, Ya bunay la tushrik billah. Ici, nous, on commence par quoi? Leur inculquer. Et vous savez que les enfants, c'est un disque vierge. Ash-shirk, ash-shirk, l'amour de la sorcellerie, des djinns, etc., etc. Wal'iyadhu billah. Et ici, ce disque vierge se remplit de saleté et de choses qui vont hanter l'esprit de cet enfant et vont le pousser peut-être dans 10 ou 15 ans à aimer les djinns ou à aimer la sorcellerie ou à glisser dans cet égarement. Wal'iyadhu billah. Je suis pas en train de dire que l'enfant, ici, il n'a droit de regarder aucun dessin animé, il n'a pas droit de jouer, il n'a pas droit de sortir, il n'a pas droit de s'épanouir. Si! Walakin, de quelle manière, ya Abdallah? Et on a parlé de l'amana dans les détails, le dépôt, si on veut. Et on a dit que l'amana, de façon générale, c'est quoi? Al-fara'id, comme a dit Ibn Abbas, c'est les actes obligatoires. Hassan al-Basri, il a dit, c'est la religion. Al-amana hiya ad-din, fad-dinu kulluhu amana. Et ici, parmi, ou ce qui fait partie de l'amana, c'est quoi? La responsabilité. Al-mas'ouliya amana. C'est une responsabilité. Tu es responsable de tes enfants. Et le prophète a dit dans Sahih Muslim, comme on a cité le hadith la semaine dernière, toute personne à qui Allah a confié une autorité et qui trahit ceux qui sont sous son autorité, c'est-à-dire, tu n'éduques pas tes enfants comme il se doit, donc tu les as trahis quelque part, Allah lui interdira l'entrée au paradis, wal'iyadhu billah. On ne dit pas que tu dois, ici, si ton fils fait un égarement, ça a été en enfer, où tu vas, non, mais fais le maximum d'efforts, et Allah, sa miséricorde, dépasse sa colère. Walakin, au moins, assume un minimum l'éducation de tes enfants, et cette responsabilité énorme, et ne néglige pas cette responsabilité. La ralbisi. Walillahi alhamd wa billahi tawfiq. Ici on a parlé ici de ce sujet-là très important, mais le temps ici est écoulé. On continuera avec l'éducation des enfants la semaine prochaine, inshallah ta'ala, dans les détails. On continuera l'explication de ce verset coranique qui est le verset 13 de sourate Luqman. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.